بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم selon Anas رضي الله عنه qui dit: je n'ai pas prié derrière un imam qui raccourçait plus sa prière et qui accomplissait une prière plus complète que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha al-hadith anna af'al an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muwafiqatun lima yad'u ilayhi. Il y a dans ce hadith le fait que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en accord avec ce vers quoi il appelle. Wa hadha muhim li kulli da'iya. Et ça, c'est très important pour tout prédicateur, que tes actes soient en accord avec ce vers quoi tu appelles les gens. Tu appelles les gens à quelque chose et ensuite tu fais le contraire. Hadha la yunasib. C'est pas correct. Il faut donc que les actes du prédicateur soient en accord avec ce à quoi il appelle les gens. Fait qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila al-yusri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à la facilité. Voilà pourquoi il disait yassiru wa la tu'assiru, facilité aux gens et ne rendez pas les choses difficiles. Wa kadhalika min af'alihi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yukhaffifu as-salah. Et aussi parmi ses actes, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il donc raccourçait la prière. Wa qad ajma' al-ulama 'ala sunniyyati at-takhfif fi as-salat akhdhan bi'umum al-adillati fi dhalik. Et donc les savants sont unanimes. Ils sont unanimes sur le fait qu'il est recommandé de raccourcir la prière. Il est recommandé de raccourcir la prière. Ils se sont basés sur les preuves, sur la généralité des preuves lié à ce sujet. لكنهم اختلفوا في من طول في الصلاة. Et donc cependant ils ont divergé concernant celui qui va faire une longue prière. Ils sont unanimes. Il est recommandé de raccourcir la prière. Mais ils vont diverger concernant celui qui va la prolonger. فذهب الإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله il a tahrimi tatwil as-salat. L'imam Abu Hanifa, il voit qu'il est interdit de prolonger la prière. Il est interdit. Fa min adillatihi ma jaa fi sahihayn. Et parmi les preuves de l'imam Abu Hanifa, il y a ce qui a été cité dans sahihayn selon Abi Mas'ud radiyallahu anhu, anna rajulan qala wallahi ya rasul Allah, inni la ata والله يا رسول الله إني لا أتأخر في الصلاة في صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا حاجة. Et donc, Abi Mas'ud qui nous dit qu'il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, par Allah, certes, je viens tardivement à la prière du matin à cause du fait que un tel, il rallonge la prière, il prolonge la prière avec nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit, alors je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver lors d'une recommandation et d'une exhortation comme il s'est énervé ce jour-là. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi vous certains qui éloignent les autres. Il y a parmi vous certains qui éloignent les autres. Et donc celui d'entre vous qui prie avec les gens, alors qu'il fasse court, alors qu'il fasse court, car il y a parmi vous, car il y a parmi eux celui qui est faible, celui qui est âgé et celui qui a un besoin. وأيضا في صحيح أو أيضا في الصحيحين أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي مع قومه. Il y a aussi dans Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, que Mu'adh, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, il allait prier avec les gens de chez lui, de sa contrée. Fakara bihim al-Baqara. Alors, une fois, il a récité Al-Baqara. Et c'était la prière du Isha. Il a récité Al-Baqara. Fatajawaza rajulun. Fa salla salatan khafifa. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ. Alors, lorsque Mu'adh, il priait avec eux, Al-Isha, un homme, donc il s'est écarté, et il a prié tout seul, une prière courte. Pourquoi? Parce que Mu'adh, il récitait Al-Baqara, dans Salat Al-Isha. Et donc il s'est écarté, il a fait tout seul une prière courte. Mu'adh, lorsqu'il a entendu parler de cela, il a dit que cet homme est un munafiq, un hypocrite. فذهب يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. Alors cet homme est allé se plaindre au prophète صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك قال صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ ثلاث مرات. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a entendu ça, il a dit à Mu'adh, افتان انت, est-ce que tu viens éprouver les gens et les troubler dans leur religion, ô Mu'adh? Il lui a dit ça trois fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ikra bi wa shamsi wa duhaha. Ensuite, il lui a dit, récite donc la sourate wa shamsi wa duhaha, et aussi, sabbih isma rabbika al-a'la. Il lui a donné donc des exemples de sourates qui sont relativement courtes. Fahadihi al-ahadith tadullu ala tahrim al-tatwili lil-imam fi al-salat. Et donc ces hadiths nous montrent qu'il est interdit à l'imam de faire long durant la prière commune, les prières obligatoires. On ne parle pas de la prière lorsqu'il est chez lui, avec sa famille ou autre. Là, il peut faire long, c'est la prière surrogatoire, la prière de la nuit, s'il veut, il peut faire long. Là, on parle des prières obligatoires. وَذَهَبَ الْجُمْهُورِ إِلَىٰ أَنَّ التَّطْوِيلِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ لِلْإِمَامِ. Al-Jumhur, la majorité des ulema, ils voient donc qu'il est détestable pour l'imam de faire long. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à chaque fois qu'on a des textes montrant une interdiction que cela veut dire que c'est formellement haram, c'est interdit. لكن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. L'avis le plus juste dans ce sujet est l'avis qu'a choisi l'imam Abu Hanifa رحمه الله. Pourquoi? Parce que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont claires, montrant l'interdiction. Inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui éloignent. Wala shakka anna at-tatwil fi as-salat qad yuaddi ila dararin kabir. Il n'y a pas de doute que le fait de prolonger la prière peut entraîner un très grand mal. Kanu an-nas yatrukuna as-salata jama'atan. Le fait que les gens délaissent la prière commune. Wa kanu an-nas yatrukuna al-masajid. Le fait que les gens délaissent les mosquées. Fait l'imam, alayhi an yuhabbiba ila an-nas al-masajid. Là, l'axe. L'imam, il doit faire en sorte que les gens, ils aiment les mosquées et pas le contraire. Et pas le contraire. Et donc, il est important que l'imam prenne en compte ce point. Voilà qui n'est l'ishkel, mais huwa haddu at-tatwil wa takhfif. Le problème, c'est quelle est la limite dans le fait de prolonger ou de faire court. Meta yukol inal imam khaffaf aw tawwal. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un imam il a prié, il a accompli une courte prière ou une longue prière? Takallam al ulama fi hadhihi al mas'ala. Fa mimma dhakaru dhahabat ta'ifa min ahli al ilm ila annahu yunzaru ila ahwal al nas. Une partie des savants, un groupe des savants, ils voient que nous devons regarder la situation des gens. La situation des gens qu'il y a autour de nous. Wa dhalika lima akhrajahu Abu Daoud fi Sunan an Uthman ibn Abi al-As annahu qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya rasul Allah ij'alni imama qawmi fa qala anta imamuhum waqtadi bi adhafihim. Et donc la preuve de cet avis qu'on doit regarder les gens qui sont autour de nous, c'est ce qu'a cité Abu Daoud dans son Sunan, selon Uthman ibn Abi al-As, qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, place-moi comme imam pour les gens de chez moi, les gens de ma contrée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es leur imam. Tu es leur imam. Et suis le plus faible d'entre eux. Suis le plus faible d'entre eux. Qalu idhan, al-imam, yanbaghi lahu an yanzura ila ahwal an-nas, fayanzura ila ad'afihim, fayusalli hasba qudrati hadha ar-rajul. Et donc ils ont dit, donc l'imam, il doit regarder la situation des gens. Il regarde le plus faible parmi ceux qui est autour de lui, parmi ceux qui sont autour de lui, et il prie de telle façon que le plus faible d'entre eux ait la capacité de suivre cette prière. La capacité donc de suivre cette prière. Wa dhahaba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ila anna sunnata qad bayyanat ma huwa at-takhfif. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah il voit que la sunna elle nous a montré c'est quoi at-takhfif. Fa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukhaffif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait de courtes prières et on sait qu'est-ce qu'il récitait pour les prières et donc فعلينا إن أردنا التخفيف حقيقة فنصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit si on veut faire des prières courtes réellement, alors on fait comme le prophète صلى الله عليه وسلم le faisait. ولا شك أن هذا القول قوي. Il n'y a pas de doute que cet avis de Cheikh al-Islam est fort, le fait que la Sunna nous montre. Donc, qu'est-ce que Tarfif? Le prophète, il nous a montré comment prier. C'est lui qui nous dit « Sallu kamera aytumuni usalli ». Il n'y a pas de doute sur ça. « Walakin, la'alla al-qawl al-awwal akkarabu ila sawab. Wallahu a'lam. » Cependant, donc, il se peut que l'avis, le premier avis, soit plus proche de la vérité. Wallahu a'lam. Lima, li'anna al-imam لو كان ينظر إلى أحوال الناس ويصلي بهم حسب قدرتهم فهو كذلك عمل بالسنة. Car l'imam, s'il regarde la situation des gens, leur faiblesse et autres, et qu'ensuite il prie avec eux en fonction de leur capacité, alors cet imam aussi aura œuvré avec la sunna. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit فَقْتَدِي بِأَضْعَفِهِمْ. Alors, suis le plus faible d'entre eux. C'est lui qui dit sallallahu alayhi wa sallam fa inna fihim ad-da'if wal-kabir wa dhahaja. Il y a parmi eux celui qui est faible, celui donc qui est âgé et celui qui a un besoin. Et donc c'est lui qui nous oriente vers le fait de faire attention à ces gens-là. Wala shakka anna al-nas fihim da'f. Il n'y a nul doute que les gens aujourd'hui à notre époque, il y a en nous donc de la faiblesse. ولو كان الناس يطيقون الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا أفضل. Il n'y a pas de doute que si les gens avaient la capacité de prier comme le faisait le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'y a pas de doute que ceci est mieux. ولكن لو كان الإمام يرى فيهم ضعفا فيراعي ذلك فهذا أيضا عمل بالسنة. Cependant, si lorsque l'imam il regarde la situation des gens et qu'il œuvre et qu'il prie en fonction de cela, il y a aussi en cela le fait d'œuvrer avec la sunna. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Qilabah Abdullah ibn Zayd al-Jurmi al-Basri qala ja'ana Malik ibn al-Huwayrith fi masjidina hadha fa qala innani la usalli bikum wa ma uridu as-salat. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه. Et donc l'auteur il nous dit ensuite selon Abi Qilaba Abdullah ibn Zayd al-Jurmi al-Basri, qui dit Malik ibn al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est venu dans notre mosquée. Et il a dit, certes, je vais prier avec vous. mais ce n'est pas que je veux prier. Cependant, je prie comme le messager, comme j'ai vu le prophète, comme j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier. Donc, je vais vous enseigner, je vais vous montrer comment j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prier. Alors, le rapporteur, il dit qu'il demande à Abi Kulaba, il lui demande, comment alors est-ce qu'il priait? Comment est-ce qu'il priait? Alors, Abi Kulaba qui répond en disant, il priait comme ce cheikh ici. Il a montré donc, il priait comme ce cheikh ici. Il s'asseyait lorsqu'il levait la tête après la prosternation avant de se lever. Il s'asseyait lorsqu'il levait la tête après la prosternation avant de se lever. Mada yustafad min hadha al-hadith? Aywa. Et donc, yustafadu min hadha al-hadith mashru'iyyat jalsat al-istiraha. On tire de ce hadith le fait qu'il a légiféré de faire ce qu'on appelle jalsat al-istiraha, c'est-à-dire l'assise de pause. Lorsque tu finis, donc, es-sujoud, avant de te lever directement, tu t'assis un court instant, et après, tu te lèves. اختلف العلماء في مشروعية هذه الجلسة. Les savants ont divergé concernant la licéité de cette assise. فذهب الجمهور إلى عدم مشروعيتها. Et donc la majorité donc ils voient que cette assise n'est pas licite, n'est pas légiférée. Cela ne fait pas partie de la sunna. Ça c'est la majorité. خالفهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي donc il les a contredit, il voit qu'il est licite. ذهب الشافعي إلى الجواز أو إلى المشروعية. الشافعي رحمه الله il voit qu'il est légiféré de faire cette assise. وهذا الحديث في الصحيحين دليل لما ذهب إليه الإمام الشافعي. Et ce hadith qu'on voit dans Sahihain, c'est une preuve pour donc qui va dans le sens de l'Imam الشافعي. ما هي أدلة الجمهور. Les preuves donc de la majorité des ulama, al-jumhur, anna fi hadithi al-musi'i salatahu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yu'allimhu jalsat al-istiraha. Et donc, il y a dans le hadith de l'homme qui faisait mal sa prière, et qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé, et lui a montré comment faire la prière, il n'y a pas dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait enseigné à cet homme l'assise liée à la pause. Mais où est le jawab? Comment on répond à ça? On l'a déjà vu. Aïe. Kulna sabiqan anna ibn al-qayyim rahimahullah bayyana anna hadha al-hadith hadith al-musi'i salatahu لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم جميع الواجبات في الصلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a pas montré toutes les obligations qu'il y a dans la prière. لم يذكر النية. Il n'a pas cité l'intention. ولم يذكر التشهد. Il n'a pas cité le تشهد. Alors est-ce qu'on va dire que le تشهد n'est pas légiféré? فهذا في الواجبات ما بالكم بالمستحبات. Ça concerne les obligations. Que dire des actes qui sont recommandés? Et donc on ne peut pas parler d'un acte qui est recommandé et dire qu'il n'est pas légiféré parce qu'il n'est pas présent dans ce hadith. Parce qu'il n'est pas présent dans ce hadith. وَكَذَلِكَ قَالُوا أي الجمهور إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعدما كبر في السن. Et aussi ils ont dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait cela après avoir grandi. Je me rappelle lorsque... Voilà, c'est pourquoi c'est important d'étudier al-Masail al-Fiqhiyya ma al-Ikhtilaf ma akwal al-Ulama tarjih ma al-Adilla. C'est important donc de voir les différents avis avec les preuves, etc. Parce que ça permet à l'étudiant, aux musulmans de façon générale, de ne pas rabaisser certains avis par ignorance de sa part. Je me rappelle lorsque je me suis converti, je suis parti en Égypte, on commençait à lire les livres en français, parce qu'on n'avait pas encore l'arabe, etc. On écoutait des sortillates et tout. Après, lorsque j'ai commencé à voir l'arabe, une fois, il y a un Égyptien qui vient me voir, il voyait que je faisais jalsat al-istiraha. Il m'a dit, mais il ne faut pas faire ça. J'ai dit, mais pourquoi, subhanallah, tout ce que j'ai vu depuis le début, je vois, c'est une sunna, pourquoi tu me dis, il ne faut pas faire ça? Il m'a dit, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait lorsqu'il a commencé à vieillir. J'ai dit, Allahul Musta'an, où est-ce que tu as pris ça? Où est-ce que tu as pris ça? Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que, à force de ne pas connaître le khilaf, alors que ça, c'est la vie de l'jumhur. C'est la vie de l'jumhur, et que cet avis-là, et que cette argumentation, tu la trouves dans beaucoup des livres de fiqh. Mais, lorsque tu ne connais pas, tu vas commencer à blâmer, à ish. Alors que lorsque tu connais, là, tu peux savoir que ça, c'est une parole des gens de science. Qu'elle soit correcte ou qu'elle ne soit pas correcte, tu sais que ça, c'est une parole des gens de science. Et ensuite, tu argumentes avec preuve pour montrer que ce n'est pas correct. Ça y est. Alors, comment on argumente avec preuve pour montrer que ce n'est pas correct? C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça lorsqu'il a grandi. Après avoir vieilli. Al-jawab, annal asla. في افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله هو التاسي به الا ان جاء دليل صريح على خلاف ذلك. C'est que la base dans tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ou dit, la base dans cela est qu'il doit être suivi. C'est que nous devons le suivre, c'est ça la base. Sauf s'il y a une preuve claire qui vient nous montrer que non. Ça, c'est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la personne qui nous dit que non, le prophète, il a fait ça quand il a vieilli et que nous, on doit pas le faire, on va lui dire, là, il faut que tu nous ramènes une preuve en plus. Il faut que tu nous ramènes une preuve en plus. Le prophète qui nous dit, là, taf'alou. Inni kod kabirtu ou autre. Ne faites pas, le prophète qui nous dit, ne faites pas, là, c'est moi qui suis devenu âgé ou autre. Sans ça, tu ne peux pas nous demander de délaisser quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. وكذلك استدل بما اخرجه البزار عن وائل بن حجر قال كان اذا كان رفع راسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة قام كما هو ولم يجلس. Al-Jumhur, ils se sont aussi basés sur ce qu'a cité Al-Bazzar dans son recueil, selon Wa'il ibn Hujr, qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui dit que lorsqu'il levait sa tête après la prosternation, après la deuxième prosternation, durant la première et la troisième unité de prière, alors il se levait comme il était, sans pour autant s'asseoir. Il se levait comme il était, sans s'asseoir, il ne s'asseyait pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On a déjà abordé ce sujet une fois après le confinement. C'était pas ce hadith-là, mais c'était la même argumentation. La même argumentation. Al-Jam, plus précis. On avait parlé de Al-Muthbit. Muqaddamun ala an-nafi. Ah oui, c'est vrai. On avait dit celui qui affirme prévaut sur celui qui contredit. On a donc deux rapporteurs qui nous rapportent une information sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un qui affirme quelque chose et l'autre qui contredit. Celui qui affirme prévaut. Pourquoi? Parce que chacun dit ce qu'il a vu. Celui-là, il a vu le prophète le faire, l'autre qu'il ne l'a pas vu le faire. Et donc il te dit qu'il ne l'a pas vu le faire, tout simplement. Mais est-ce que ça veut dire que le prophète ne l'a pas fait? Non, parce que l'autre qu'il l'a vu le faire. D'accord? Et donc celui qui affirme prévaut face à celui qui nie, ou qui donc rejette cette information. Et aussi, les ulama, ils nous disent « Rayatou ma fi hada al-hadith »« Rayatou ma fi hada al-hadith »« Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam » قد كان يفعل ذلك احيانا ويتركه احيانا. Les ulama nous disent ce qu'on peut citer, ce qu'il y a dans ce hadith, en sachant que les ulama, ils ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Mais si on admet qu'il est authentique, alors ce que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait jalsat al-istiraha et parfois il le délaissait. Mais on ne peut pas dire que cet acte n'est pas légiféré. Pourquoi? Parce que les preuves qui abordent ce sujet sont citées dans Sahihain. Il n'y a pas que ce hadith. Les preuves qui abordent ce sujet sont citées dans Sahihain. Abu Humayd ibn al-Sa'idi, radiallahu anhu, qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihain, et qui cite Jalsat al-Istiraha, et qu'il y avait parmi lui une dizaine de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'aucun ne lui a dit non, c'est pas ça la sunnah. Dans Sunan Abi Daoud, qui lui ont dit Sadakt, tu as raison. Et donc, on ne peut pas rejeter cette sunnah comme cela. On ne peut pas la rejeter comme cela. فالقول الراجح والله تعالى أعلم أن جلسة الاستراحة مشروعة إن شاء الله تعالى. Et donc, l'avis le plus juste est que l'assise liée à la pause entre la prosternation et le fait de se lever, cette assise est légiférée. والله تعالى أعلى وأعلم. On arrête là pour aujourd'hui, إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.